partir dans lequel ça devient mouvement partout le corps. Je pense qu'il y a aussi quelque chose des Africains. La salsa es un ritmo contagio que lo disfruta todo el mundo para bailar, para gozar. Dans la salsa il y a été mélangé beaucoup de rythmes, le merengue, son, il y a tout ça qui devient la salsa. La samba, le merengue, el son, el flamenco. Se disfruta mucho en grupo, carnaval, tipo los carnavales del Brasil, Cuba. Tú empiezas a bailar desde las 8 de la mañana hasta el otro día a las 8 de la mañana. Continúa tomando, festejando con tus amigos, con tu esposa, con tus amistades queridas. Se disfruta mucho. La orquesta de ODB, Pablito FG, Ramita Social Club, Omar Portuondo, Compay Segundo, Presidente Monguemón, Elías Ochoa. Je m'appelle Linda, j'aime l'émission spéciale salsa, et surtout je me danse la salsa. Oui, elle s'appelle Linda, elle aime l'émission spéciale salsa, et surtout... elle aime danser la salsa. Si tu aimes l'émission, tu dois nécessairement aimer danser comme Emim Tibouti, Toussaint le fait également à chaque fois qu'il y ait, comment dire, une stagiaire de l'autre côté qui danse avec lui. Ça roule tout seul. Il n'y a pas à se concentrer, il n'y a pas à forcer, ça vient tout seul. Voilà. Emim Tibouti, comme vous venez de l'entendre, va assurer la mise en onde de cette émission spéciale où nous allons faire vous balancer quelques mélodies variées, que ce soit des mélodies venues de Cuba, de Porto Rico, de Colombia, de Bujumbura. Donc l'essentiel que ce soit la salsa. Vous voulez danser, vous voulez écouter des belles mélodies ou comprendre le contenu de certains messages. Voilà, on est là pour vous servir parce que nous sommes que vos humbles serviteurs. Et nous aurons droit à une information. Il s'agit d'un certain Kenyatta qui va, encore une fois, animer la salsa à Bujumbura, au Café Bambou. Voilà, vous êtes très nombreux, surtout les danseurs de salsa, que ça faisait un bout de temps qu'ils ne sont pas sur terrain. Certains parmi eux, se débrouillent tant plus que mal, font quelques initiatives, mais le rythme n'est pas aussi, accentué ou à grande vitesse comme dans le temps. Voilà, il commence à ressusciter et à bouger. Voilà que Kenyatta Café Bambou va parler dans une dizaine de minutes par téléphone, nous parler de cette résurrection. Non, de cette reprise. Voilà, sans plus tarder, on écoute Bachata Rosa. Voilà, Christian Savier est là pour vous. Et restez branchés, nous aurons même besoin... traduzione. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. Oh, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano de olvidos, oh, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, ay, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul. Ay, amor, oh, nah. Te regalo mis manos. bachata rosa. C'est la première chanson qu'on est centré d'écouter. Et comme je le disais, il y a eu beaucoup d'initiatives. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, sachez que à Bujumbura, ça fait une dizaine d'années que les artistes danseurs, je les appelle des artistes, parce que eux aussi ce sont des artistes, parce que des fois ils créent des chorégraphies. Et si vous n'êtes pas souple dans la tête, ou si vous n'avez pas de cerveau, double cerveau, c'est vraiment difficile de pouvoir danser la salsa, parce que c'est le contre-temps dans le temps. Voilà, il y a 10 ans, il y a un club qui est né, appelé Noblesse à Bujumbura. Et il n'avait pas de piste, il n'avait pas de matériel pour écouter de la musique. Mais quand même, ils ont pris beaucoup de mois, presque toute une année, sans toutefois avoir un milieu approprié pour danser, sans avoir le matériel nécessaire pour pouvoir y arriver. Mais quand même, ils avaient l'essentiel, ce qu'on appelle l'amour de la salsa, ce qu'on appelle la détermination. Ils ont pu, ou elles ont pu arriver à leur fin et s'exprimer. C'est ça, le plus important, de s'exprimer. Voilà. Et maintenant, après quelques années, 2 ou 3 ans, ils ont fait quelques descentes. Je me rappelle Ngozi, à Gitega, ils ont frappé très fort. Et après, il y a eu une multitude de clubs dans salsa qui sont nés. Et à pleine ville Bujumbura, et même à l'intérieur du pays, comme Ngozi, Gitega, comme je le disais. Il y a même Chibitoki, Bubanza et Rumonge. Et après, il y a eu Butare, Kigali et Goma. Voilà. Tout ça grâce à cette émission. Voilà. Esperando Primavera. Je crois qu'on était parti ailleurs qu'à la salsa. On remonte un peu de volume pour écouter. Esperando Primavera. Escucha que la temperatura sobre la temperatura. Primavera. Voilà, esperando, ça vient du verbe espérer. Et puis primavera veut dire le printemps. Et là, je crois que vous avez compris. J'espère avoir le printemps. Vous savez, ici, ailleurs, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a, hein, tu vois. Mais au Burundi, on parle de grandes saisons de pluie, des petites saisons de pluie, grandes saisons sèches et petites saisons sèches, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'hiver, hein? Il n'y a pas de printemps. Mais là, quand on parle esperando primavera, ça veut dire qu'on espère avoir le printemps. Et quand on parle du printemps, ce n'est pas seulement pour parler du temps, c'est un temps qui vient juste après l'hiver. Hein? Alors, les gens étaient un peu venus de faire quelques jours très froids. Alors, il y a le printemps qui vient changer la température et ça fait que les gens sont tellement contents. Alors, tu peux, ça peut être une expression imagée pour parler d'un jour meilleur. Toussaint, est-ce que tu penses avoir des jours meilleurs, hein? Ah, je crois. Je sais très bien plutôt à quoi tu penses. Le jour viendra. T'en fais pas. Elle est là pour toi. On continue à écouter. Esperando Primavera, après Sanza, écoutez une chanson qui va suivre directement, intitulée Sigo con mi calor. Et on augmente un peu de volume pour vous. Je sais que vous êtes très très nombreux. On est très nombreux à vouloir danser. Voilà, on commence par danser. On commence à danser par cette Sigo con mi calor. On y va. Yo sigo con mi calor, quemándote entre palmera y sol. Yo sigo con mi calor. El papi en verano sabe mejor. Tumba que tumba. Yo sigo con mi calor. Quemándote entre palmera y sol. Yo sigo con mi calor. El papi en verano sabe mejor. Yo, desde el salón de la justicia, el papi Sánchez. Yo sigo con mi calor. Quemándote entre palmera y sol. Yo sigo con mi calor. El papi en verano sabe mejor. Vamos a veranear, loco. Vamos con el papi. Ella vuelve los bikini y el papi la funda. Va a veranear en Bacaneo y rumba. Ya abrieron la pompa en la esquina. Mira, esa negra vacilando en shuri me fascina. Pídelo en la calle, con papi, pídelo. Bailalo, este verano recíbelo. Gozadera en la calle, brincadera en la disco. Mucha tanga en la playa esperando el papito. Tumba que tumba, tumba. Entre palmer y sol, mamita, va mi rumba. Coco, mujeres, cerveza, piscina, sacasilla, nevera, radio y bocina. Yo sigo con mi calor. sigo con mi calor. Quemándote entre palmera y sol. Sigo con mi calor, yo sigo con mi calor. Sigo con mi calor. El papi en verano sabe mejor. Esto es verano, la tierra arde como un barbecue. Con chulete en el parque y a media tarde en el malecón. Se escucha Papi Sánchez en un musicón con esta canción de verano loco. Las mujeres van llegando poquito a poco a ritmo de hip hop con merengue. Que los bares en la calle en verano se encienden. El coro y los panas todo el día en la esquina. Y hasta el gato de la hija de la vecina. Ponte los polos y sal pa' la calle a combatir el calor con Papi Sánchez. Sigo con mi calor, yo sigo con mi calor. Yo sigo con mi calor. Quemándote entre palmera y sol. Sigo con mi calor. Yo sigo con mi calor. Yo sigo con mi calor. El papi en verano sabe mejor. Yo, yo. Aquí es Kai Swing, papá. Cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas. et après avoir écouté Sigo con mi calor qui veut dire je continue avec ma chaleur, on est en train d'écouter une autre chanson, Tu amor mo hace bien. Je crois que tu as compris. Hein? Ça veut dire que ton amour me va très bien. Voilà, on continue à écouter, on revient au studio. Tout à l'heure, on vous parlait de quelque chose qui est en train de se préparer. Restez à l'écoute, dans quelques minutes, ça va passer. Ay, no me digas que no, que no me quieres. Ay, no me digas que no me quieres. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Bachata et on danse comme on le fait de l'autre côté de la vitrine. Ça bouge, vous ne trouverez nulle part ailleurs que la radio de Sagalilo. Le moment c'est merveilleux. Voilà, vous êtes tous invités à danser avec nous au rythme de la bachata. La gente, cau cau, lo gusta la gente, cau cau, y así lo dice la gente. canción, se robó mi atención. ¿Qué situación? ¿Qué clase de tumbao? Pa' la nena beso, bailándole pegado. Acaramelao, dulce como el melao. Con ese tumbao, niño, pa' que aprenda. Dame una candelita, ay, y fume. Dame una candelita, ay, y fume. Oye, dame una candelita, ay, y fume. Pero dame una candelita, ay, y fume. Kikiriki pisao, kikiriki pisao, kikiriki pisao. Arriba en la tabla, maní picao, cao, cao, cao. Anda. Après avoir écouté, on enchaîne avec directement la chanson qui va suivre. Une surprise pour vous. Écoute ça, on remonte au volume pour vous. Le train arrive à la gare. Vous connaissez tout ça. Et ça fait bouger, on augmente un peu de volume pour vous. Et on danse, et on danse, et on danse. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Pita lento el corazón. Y en silencio mi mirada dice mil palabras. La noche que yo siempre son de donde cerca el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo lo mío, girando el vacío, llegando y bajando. Ese fuego de dentro está agradeciendo, filmando, durando. Con tu física y la química, también la anatomía. La fuerza de la tequila, la pobreza de la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con un melodía, tu color lo fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza se vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Tú lo mando, Sean. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, gozar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda loca, tu mundo. On danse, danse, on danse et on danse et on danse. Tu me miras y de vuelta a la dimensión. Estoy a una otra dimensión. Tus latidos aceleran mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Querido en el destino de poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo es el mío, llevando la silla, subiendo y bajando. Es fuego de dentro, estando la gira, empezando, cerrando. Con tu física y tu química, también el lado mía. La perdida ya te guía, está tu boca la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu pololo fantasía, tu culo filosofía, tu cabeza lo vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. ¡Loca! Est-ce que tu peux remettre la chanson? Hein? Si on remet la chanson, on s'amuse. Ah. Enrique Iglesias. Je te regarde et j'en ai le souffle coupé. Quand tu me regardes, mon cœur fait un bond. Mon cœur bat lentement. Et en silence, ton regard me dit 1000 mots. La nuit durant laquelle je te prie et que le soleil ne se lève pas. En dansant et en dansant et encore en dansant, ton corps est le mien. Comble le vide en montant, en descendant, en dansant, dansant et en dansant. Ce feu à l'intérieur est en train de me rendre fou et de me consumer. Avec ton physique et ta chimie et aussi ton atomie, la bière, la tequila, la bouche contre la mienne, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Avec cette mélodie, ton teint, ta fantaisie, avec ta philosophie, ma tête est vide et je n'en peux plus, je n'en peux plus. Moi je vais être avec toi, vivre avec toi, danser avec toi, passer avec toi une folie de nuit, à t'embrasser. Moi je vais être avec toi, vivre avec toi, danser avec toi, passer avec toi une folle nuit, complètement folle. Toi tu me regardes et tu m'amènes dans une autre dimension. Je suis dans une autre dimension et tes battements de cœur font battre le mien plus fort. Quelle ironie du sort de ne pas pouvoir te toucher, te prendre dans mes bras et te sentir la magie de ton odeur. En dansant, ton corps est le mien qui comble le vide en montant et en dansant. En dansant, ce feu à l'intérieur est entré de me mettre, de me rendre fou et de me consumer. Avec ton physique et ta chimie, ton autonomie, la bière qui j'ai ta bouche contre la mienne, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Avec cette mélodie, ton teint, ta fantaisie, avec la philosophie, ma tête est vide, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Moi je veux vivre, je veux être avec toi, vivre avec toi, danser avec toi, penser avec toi, une nuit de folle. à t'embrasser. Moi je vais être avec toi, vivre avec toi, danser avec toi, passer avec toi une nuit folle, complètement folle. On continue à écouter Bailando. Voilà, on revient au studio tout en vous donnant d'autres chansons. Après la chanson, on aura droit à trois autres chansons que vous avez aimées tant les jours passés, les années passées. Voilà, après la belle mélodie qui est en train de passer, intitulée Otro en Mi Lucas by Icarus. Nous aurons droit à la Bamba d'Africando, puis à la Bina Casabranca et après Guantanamera. Toutes ces trois chansons, vous les connaissez à cœur. Vous avez pu danser ces chansons, mais version salsa, bien sûr. Mettez-vous de sur la mise en Christian, la présentation de cette belle émission spéciale salsa. Que la température sobre la température. Eh oui, quelqu'un il dit salut, c'est Gaël Dokamenge. Gaël Dokamenge dit j'aime beaucoup votre émission et je veux que tu nous mettes la chanson de Kizomba de Nelson Freitas. Qu'il fasse plaisir à tous les gens Dokamenge. Bien sûr, merci beaucoup Gaël qui nous capte à partir Dokamenge et qui aime l'émission spéciale. Salsa, nous en sommes ravis, on est très contents et on continue à vivre de belles moments ou de beaux moments. Voilà, on écoute. Y caro, y ahora. Al bailar la bamba necesita una poca de gracias. Pour danser la bamba, il faut un peu de gracias. C'est très bien, vous qui écoutez, qui vous aimez cette émission, vous avez de la grâce, n'est-ce pas, Mtebouti? Voilà, ça fait bouger les hanches et les épaules et vous êtes là, nombreux, comme Mtebouti. Maintenant, il n'a plus l'offre de continuer parce qu'il vient de faire plus de 40 minutes à danser. Il n'en peut plus. Mais vous pouvez continuer à suivre Africando La Bamba, une chanson connue mondialement avec un groupe connu également mondialement. Marinero! Necessita una poca de gracia. Et oui, c'est Gaël de retour auparavant. Tu chantais la salsa. Est-ce que vous avez abandonné votre carrière musicale? Saisis où vous avez du nouveau pour le moment. Mais Gaël, je suis en train de chanter, n'est-ce pas? T'as pas écouté ma voix? Je continue ma carrière au studio. Ah, Gaël de Kamenge. Je chante avec Africando au studio. Et je dis. Ça, c'est le saxophone. Eh oui, le train va arriver à la gare. Encore quelques 5 minutes et l'émission aura pris fin. Oh. Bye la la lamba. Papa la la la lamba. Tom to Tom. Tom to Tom. Voilà. Après la bamba, on va enchaîner avec Alabina Casablanca, une chanson qui sonne arabe, mais qui a fait danser le club La Noblesse. On se souvient très très fort et on s'en souviendra très longtemps. Allez, Alabina Casablanca, cette chanson a servi de base pour faire apprendre aux jeunes danseurs les premiers pas, ce qu'on appelle les pas de base de la danse salsa. A la vida, Casablanca! Escucha, escucha, escucha! Ça fait bouger! Ay Allah! Guantanamera, Guajira Guantanamera. Ça c'est la dernière chanson. Guantanamera, Guajira Guajira, Hira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Est-ce que tu as aimé Toussaint? Yo soy un hombre sincero. Tu connais la chanson? Tu connais pas Guantanamera? C'est pas vrai. Est-ce que ta cavalière qui est là de l'autre côté de la vitrine ne connaît pas la chanson? Elle connaît. Donc elle va t'apprendre. Voilà. Pour bien terminer en beauté, j'ai droit à deux choses. Tu vas mettre Moumou. Et après Moumou, tu vas recommencer la chanson. Et après la chanson, on va dire ciao ciao. Voilà, Moumou. Elle dit quoi, Moumou? Ciao Burundi, mi chiamo Valeria. Gli amici Moumou. Je m'appelle Valeria pour les amis Moumou. Je suis italienne, je viens de Naples. Mais ma deuxième maison, c'est ici, au Burundi. C'est pas vrai. Et ma troisième, c'est la radio Zanganiro. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier. Elle est super. Ciao, bisous. Ciao, bisous, Moumou. Guantanamera, Guaira Guantanamera. Guantanamera, Guaira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Antes de morir yo quiero cantar mis versos